Merci. Donc, pour ma part, je vais remonter effectivement un petit peu dans le temps, revenir sous la Restauration quelques années plus tôt. Et comme vient de le dire Sophie Mouton, pour si le mouvement lotharingiste apparaît essentiellement dans les années 1830, l'histoire locale du duché n'avait les souvenirs de l'histoire du duché n'avaient évidemment pas disparu dans la première moitié ou dans le premier tiers plutôt du 19e siècle. De multiples références à l'indépendance peuvent même être trouvées, notamment pendant les voyages officiels qui avaient été effectués par d'autres souverains antérieurement, et en particulier ici les Bourbons. Je pense en particulier au voyage qu'avait effectué le roi Charles X en 1828, ou à toute une série de cérémonies politiques qui sont organisées par le pouvoir politique à cette époque. Et il s'agit donc ici, dans cette communication, d'explorer rapidement les usages qui étaient faits de ces souvenirs et les buts dans lesquels ils étaient mobilisés. L'analyse des discours qui étaient prononcés par les représentants du pouvoir et par les souverains eux-mêmes, l'analyse des symboles qui étaient utilisés, permettent de montrer que l'objectif fondamental de ces références était de renforcer l'adhésion des Lorrains, voire de susciter, de créer de l'adhésion au régime. En effet, la Lorraine apparaît a priori peu attachée à un régime comme la Restauration. Et en évoquant un certain nombre de faits, de figures de l'histoire lorraine, les dirigeants espéraient donner du souverain une image positive et d'autre part conférer à la monarchie une légitimité historique de locale. Alors tout d'abord, quand même quelques remarques d'ordre un peu plus général, mais je voudrais souligner tout d'abord le fait que le régime entend d'abord rallier les Lorrains à la Restauration, ce qui n'est pas évident. De manière générale, je rappelle brièvement que la Restauration est un régime qui est fragile, c'est un régime à la légitimité pour le moins incertaine. Le régime est né deux fois, il est né en 1814 après la première abdication de Napoléon. Il est né ensuite une deuxième fois après l'épisode des 100 jours en 1815, qui déjà le fragilise. Et lors de cette seconde restauration, il est né, pour reprendre une expression très utilisée à l'époque, dans les fourgons de l'étranger. Donc c'est un régime qui, un, est né de la défaite, deux, a été imposé par les vainqueurs. Donc inévitablement, c'est un régime qui a beaucoup de travail pour se légitimer. Et je rajoute un dernier point bref, mais qui n'est pas négligeable. La Révolution française, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avait imposé le principe de la souveraineté de la nation. À partir de là, plus aucun régime ne peut s'imposer sans disposer d'un minimum d'assentiment de la part de la population. Donc tous les régimes vont chercher à l'obtenir. Les dirigeants de la Restauration devaient donc convaincre qu'ils étaient non seulement capables de régner, mais qu'ils étaient même les mieux à même de régner sur la France. Et les Bourbons ont vite compris qu'ils ne pourraient pas se contenter d'utiliser la force, d'utiliser la coercition pour s'imposer. Il leur fallait aussi séduire. Et pour ça, ils ont utilisé ce qu'on peut appeler une forme de propagande. Une propagande qui visait à légitimer les souverains en soulignant d'abord qu'ils étaient légitimes parce qu'ils étaient les descendants des monarques qui régnaient sur la France depuis le Xe siècle. Et d'autre part, en soulignant que les souverains disposaient de qualités absolument extraordinaires, qui faisaient d'eux, évidemment, les meilleurs souverains possibles. Pour cela, la Restauration a beaucoup utilisé les références aux rois de France, aux différents rois de France, et notamment à Saint-Louis, à Louis XII, mais surtout à Henri IV. C'est Henri IV qui apparaît comme la figure la plus importante, parce que, c'est assez logique, Henri IV d'abord est populaire, ou réputé populaire, et surtout, Henri IV avait réconcilié les Français après 30 ans de guerre civile, après un déchirement profond, et le parallèle avec Louis XVIII qui vient réconcilier à son tour les Français, panser les plaies de la France, pour prendre une expression de l'époque, après les 25 années de la Révolution et de l'Empire, est évidemment évident. Pour autant, ces références nationales, elles peuvent paraître pertinentes à l'échelle du pays, peut-être moins à l'échelle de la Lorraine. Or, les dirigeants estimaient qu'il était essentiel de rallier les Lorrains au régime. Les rapports que rédigeaient les préfets, les sous-préfets sur l'état des esprits, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opinion publique, soulignaient que les Lorrains étaient calmes, dociles, obéissants, mais certainement pas ralliés au régime. Et le régime voulait, lui, au contraire, aller rallier à la nation. c'est une, en quelque sorte, pour la monarchie, pour les Bourbons, une terre de mission. D'autant plus que les Lorrains n'ont a priori pas de raison particulière d'être attachés aux Bourbons. Moyennant quoi, donc, le régime a utilisé un certain nombre de références historiques locales pour se légitimer. Dans cette perspective, évidemment, il n'était pas question d'exalter l'indépendance des duchés. Et les références qui sont utilisées sont, entre guillemets, sans danger pour la France. Il ne s'agit pas de parler de Charles III, il ne s'agit pas de parler du roi René ou d'exagérer sur Léopold. Il s'agit plutôt d'insister sur Stanislas, et pour cause, hein, Stanislas, pour des raisons assez simples, est l'arrière-grand-père des souverains. Donc évidemment, c'est un point qui est souligné. L'ancienne dynastie des ducs n'est pas non plus oubliée, puisque la dauphine, donc l'héritière du trône, belle-fille de Charles X, et par ailleurs la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Madame Royale, ce qui en fait d'elle, donc, évidemment, la petite-fille de François III, dernier duc héréditaire de Lorraine. Donc, dans ce cadre-là, en présence de la dauphine, on pouvait rappeler la dynastie. Enfin, d'autres personnalités, comme Jeanne d'Arc, ont pu également être évoquées, j'y reviendrai. Ces références au passé local visaient donc à souligner les vertus dont les souverains étaient parés. Deuxième point, que je voudrais aborder. Ces références permettent de faire un portrait idéalisé du souverain. Dans cette perspective, c'est évidemment la référence au roi Stanislas qui était la plus fréquente. Lors du voyage de Charles X à Nancy en 1828, le procureur du roi prononça une allocution, rapportée au style indirect par les journaux, dans laquelle il disait ceci, donc il, le procureur, rappelle qu'en 1814, admis à l'honneur de complimenter monsieur, donc le futur Charles X, comte d'Artois, il invoquait sur lui l'ombre du grand Stanislas, auquel cette contrée devait des jours si prospères. Mais ce que Stanislas a fait pour la Lorraine, Charles X l'ayant fait pour la France, monsieur le procureur du roi la félicite du bonheur de penser que, placé sur un trône plus élevé, son souverain ne perdra pas de vue les maximes du roi philosophe, auquel ses vertus ont fait décerner le beau titre du bienfaisant. Mais lorsque Charles X maintient, consolide les institutions de son auguste frère et assure ainsi le bonheur de ses peuples, il voit ceux-ci, plein de reconnaissance et d'amour, lui décerner le titre plus glorieux encore de père de la patrie. Le style est assez empoulé, enfin bon, c'est typique de l'époque. Le procureur fait ici un usage assez classique de la référence au roi Stanislas, qui n'a évidemment pas pour but de rappeler les mérites de Stanislas, mais évidemment de glorifier Charles X. Les vertus du roi de Pologne sont rappelées dans la mesure où elles font écho à celles qui sont supposées être celles du roi. Et ici, donc, on utilise l'image positive de roi-père attaché à Stanislas pour en glorifier ses descendants. Mieux même, du coup, certains orateurs n'hésitaient pas à estimer que, Charles Louis XVIII comme Charles X était meilleur encore, était encore plus brillant que ne l'avait été Stanislas. Le préfet de la Meurthe évoqua en 1814 le roi Louis XVIII, en disant « Cet auguste monarque est l'image vivante de l'immortel Stanislas. Il l'égale déjà par ses soins paternels et ayant une plus grande famille à gouverner, il le surpassera bientôt par ses bienfaits. » La référence donc au roi de Pologne est ici mise au service de l'image idéalisée d'un roi vertueux, soucieux du bonheur de ses sujets. Il s'agit donc de tracer l'image d'un roi père. Louis XVIII est présenté comme le père de ses sujets, Charles X aussi d'ailleurs, et ce qui est un des axes majeurs de l'idéologie royale sous la Restauration. La Restauration insiste beaucoup sur cette image du roi-père, ce qui est au fond assez logique. Un père est censé vouloir le mieux pour ses enfants, il est censé vouloir le bien de ses enfants. Mais en retour, on est au XIXe siècle, un enfant au XIXe siècle, il est censé respecter papa et surtout il doit lui obéir. Donc c'est évidemment ici un modèle qui est politiquement très intéressant pour la Restauration, dans la mesure où la famille apparaît comme la cellule de base de la société, mais même encore plus dans une perspective organique, elle en est le modèle. Elle est le modèle sur lequel doit se modeler l'ordre politique. À ce titre, donc, l'utilisation de la mémoire locale montre que les gouvernants ont su s'adapter au public auquel ils s'adressaient. Ils s'adaptent ici en pensant finalement jouer sur des souvenirs qui sont supposés être ceux de la population lorraine. Cette utilisation des références à l'histoire lorraine vise donc à renforcer ce qu'on peut appeler en plagiant, enfin en se basant sur la typologie de Max Weber, l'autorité charismatique du roi. Mais enfin, se baser uniquement sur le charisme du roi après Napoléon est difficile pour les Bourbons. Ils ont quand même fort à faire de ce point de vue-là, donc ils ne pouvaient pas s'en contenter. Les Bourbons se sont aussi basés sur une légitimité qu'on peut appeler traditionnelle, fondée sur la tradition. Les références au passé lorrain contribuaient aussi, évidemment, à renforcer cette dimension traditionnelle de la monarchie. Comme on l'a dit, donc, à leur retour en 1814, les monarques ont voulu asseoir leur légitimité sur l'histoire. Ils ont voulu renouer la chaîne des temps, pour reprendre une expression du tout début de la charte constitutionnelle de 1814. Dans ces conditions, le passé de la Lorraine fut largement mis à contribution. Les liens dynastiques entre la famille royale et les ducs sont régulièrement rappelés dans les discours. On rappelle évidemment que les deux rois sont les arrière-petits-fils de Stanislas. Lorsqu'il accueillit le roi à Nancy en 1828, le préfet de la Meurthe qualifia le roi d'héritier du cœur comme des couronnes d'Henri et de Stanislas. Si la référence à Henri, évidemment, c'est Henri IV, la référence à Henri IV est évidente, la référence au roi Stanislas est, elle, spécifique à la Lorraine. Il va de soi qu'on ne la trouve nulle part ailleurs. En second lieu, en présence de la duchesse d'Angoulême, comme je l'ai dit, la référence à l'antique famille des ducs est souvent rappelée. La continuité ne s'exprime pas que par les discours, elle peut s'exprimer aussi par les décors. En 1828, on avait dressé dans les salons de la préfecture une statue de Charles X entourée d'une statue de Stanislas et d'une statue de Léopold. Et enfin, les souverains eux-mêmes affichaient leur parenté. En 1828 toujours, Charles X visita l'église de Bon Secours où était inhumé Stanislas et où elle se trouvait également le cœur de sa grand-mère, Marie Lesginska. D'après le Moniteur universel, le comte d'Artois a voulu rendre hommage à son aïeul en allant prier dans l'église, car le souvenir de Stanislas rappelle aux Lorrains de précieux souvenirs. Le compte-rendu, qui ici est d'une certaine façon un compte-rendu officiel, le Moniteur universel, c'est le journal officiel actuellement, est intéressant parce qu'on voit bien ici qu'au fond, si Charles X va à Bon Secours, c'est pas tellement par piété familiale, c'est parce qu'il pense faire un coup politique, c'est parce qu'il suppose que le geste sera apprécié des Lorrains, donc, très clairement. Dans leur réponse, les souverains n'hésitaient pas à affirmer leur relation avec les Lorrains, en particulier une phrase fréquemment citée, la duchesse d'Angoulême en 1828 avait affirmé « Je suis Lorraine, j'aime beaucoup les Lorrains, je tiens aux Lorrains par les liens du sang ». Évidemment, là, elle souligne sa parenté. Le fait d'ailleurs d'envisager de construire une statue du roi Stanislas en lieu et place de la statue de Louis XV sur la place royale s'inscrit tout à fait dans la même logique. Quand le ministre de l'Intérieur propose dans son rapport à Louis XVIII de participer un peu au financement, c'est bien en lui disant qu'il s'agit de glorifier son aïeul, et certainement pas le roi de Pologne, et encore moins le duc de Lorraine. En mettant en avant la continuité dynastique, donc, il s'agit de confier au souverain une légitimité historique. Si les habitants devaient obéir au roi, c'est au fond autant parce qu'ils étaient les descendants des rois de France que parce qu'ils étaient les descendants de leur duc. L'objectif du pouvoir, ainsi, était évidemment de convaincre les habitants d'obéir au monarque. Les discours des autorités soulignaient ainsi que les Lorrains avaient été renommés par leur attachement à leur souverain légitime. Ils l'étaient toujours, et en 1828, le maire de Nancy assura que le dévouement à ses souverains légitimes est inné dans le cœur des Lorrains. Et c'est dans cette perspective également qu'en 1826, le marquis de Pange rappela que le sang de Jeanne d'Arc était Lorrain, et que les sentiments dont elle était animée s'étaient d'âge en âge perpétués dans ces contrées, et qu'ils étaient particulièrement les leurs. Évidemment, la référence à Jeanne est ici assez différente de celle qui sera le cas plus tard, d'une Jeanne guerrière qui boute l'ennemi hors de France, etc. Là, c'est Jeanne qui est mobilisée en tant qu'incarnation de la fidélité dynastique. Et c'est évidemment ici le point sur lequel insiste le marquis de Pange. Évidemment, il ne faut pas se méprendre sur l'ensemble de toutes ces affirmations. Elles ne soulignent pas un état de fait. C'est pas pour de vrai, si on peut dire que ce qu'elles disent. Ici, l'objectif des auteurs est d'abord de souligner la qualité de leur administration. Un administrateur, un préfet, un maire ne peut pas dire que le peuple n'obéit pas à la monarchie parce que ça veut dire qu'il aurait mal fait son travail. Donc évidemment, il est plus ou moins contraint, surtout devant le souverain, d'affirmer qu'il a remarquablement fait son travail, du moins s'il souhaite une promotion. D'autre part, ces textes étant prononcés en public, ils ont aussi un rôle qui est performatif, c'est-à-dire qu'ils cherchent à convaincre la population d'adhérer au régime. Il s'agit de convaincre, les habitants d'adhérer au régime, au même titre que leurs ancêtres avaient obéi à leur duc, et ben, eux doivent obéir au roi. Le fait que Charles X ait choisi de commander en 1828 à Eugène Delacroix un tableau commémorant la bataille de Nancy du 5 janvier 1477 s'inscrit là encore dans la même logique. Évidemment, en achetant ce tableau, en commandant ce tableau, le roi veut rappeler l'alliance ancienne entre la Lorraine et la France, certainement pas rappeler que cette bataille a permis aussi de maintenir l'indépendance du duché. Donc là, on a aussi une volonté de souligner l'ancienneté des rapports de fidélité. Dans cette perspective, il convient enfin d'évoquer un document assez original. Original à la fois par son statut, il s'agit d'un long poème, dont je ne donne que quelques extraits, qui s'appelle « Stances nationales à Charles X ». Original aussi par son auteur, ce n'est pas un administrateur, mais enfin, le texte est intéressant. Et je commence par le deuxième paragraphe, l'auteur note « Tu n'es plus ce puissant état des princes, des héros, le plus noble apanage. Ton sceptre, il est brisé, la main de l'esclavage, les effacés déjà, tes titres, tes beaux noms, je pleurais. » Ce triste état de fait qui fait donc larmoyer notre auteur n'est cependant pas destiné à durer, parce qu'il dit dans le premier extrait « Sors du tombeau, mon antique patrie, les fils de Stanislas, de ta gloire endormie, par leur présence ont ranimé l'éclat. » Donc si l'auteur, si la Lorraine renaît de ses cendres, telle le phénix, c'est parce que le sang de Stanislas coule dans celui des souverains. Un peu plus loin, à l'autre moment, il dit « Dans le sang des Bourbons, Stanislas, tu vivais. » Ce qui souligne bien, là encore, le fait que l'objectif de ces textes, c'est bien de dire aux gens « Vous avez obéi à Stanislas, bah, maintenant obéissez à ses descendants, tout roi de France qu'il soit. » Pour conclure, à l'issue de cette analyse, il paraît donc que les dirigeants ont fait un usage qui relève d'un usage politique de la mémoire, d'un usage politique de l'histoire, indéniablement, qui visait à renforcer l'autorité du monarque dans le département. On constate que, malgré tout, évidemment, l'objectif n'était pas qu'une mémoire particulariste se développe, ce qui s'explique notamment par, ce qui explique plutôt que les représentants du pouvoir, les préfets par exemple, aient refusé de participer à des commémorations en l'honneur de Léopold. Il ne faut évidemment pas exagérer le phénomène, hein, ce sont quand même des choix que j'ai faits, mais dans l'ensemble, la propagande royale utilise les mêmes thèmes que partout dans le pays, même si on va rajouter ces éléments supplémentaires qui viennent renforcer les arguments nationaux. Il est à peu près impossible de mesurer l'efficacité de ces stratégies. On ne dispose pas de sources qui permettent de vraiment connaître de manière fiable l'état de l'opinion. Les rapports qu'on a sur ce sujet ne sont pas fiables. D'abord parce que, je l'ai dit, les administrateurs n'ont pas intérêt à dire que la population ne leur obéit pas. D'autre part, parce que, de toute façon, ils n'ont pas les moyens de connaître l'état de l'opinion. Ils rédigent des rapports en disant « les Lorrains pensent que », mais ils n'en savent strictement rien. Ils n'ont pas de sondage. Ils se basent sur leurs impressions, sur des idées toutes faites, sur des discussions avec les notables, mais enfin... À vrai dire, ils n'en savent rien. Toujours est-il que la stratégie visant à créer de l'attachement a échoué. En 1830, quand la Révolution intervient, les Lorrains n'ont pas spécialement défendu le régime, bien au contraire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est en profiter pour empêcher l'évêque de remettre les pieds dans son diocèse. Enfin, à part ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Pour finir, il est intéressant de noter que c'est au moment où le lotharingisme se développe, dans les années 1830, que la monarchie de Juillet, inversement, supprime totalement toute référence au passé dans la propagande. Le roi Louis-Philippe veut, développer, exalter l'unité de la nation, veut insister sur ce qui unit les Lorrains à la nation, au royaume, donc va insister sur les épisodes révolutionnaires, sur l'Empire, sur des choses comme ça, mais certainement pas sur l'identité locale, alors précisément que le mouvement lotharingiste, lui, prend forme. Je vous remercie.